Belle découverte, 18h-18h30. Salut à tous, vous êtes bien dans La Belle Découverte, il est 18h et on est ensemble jusqu'à 18h30 sur Fadjet 94.2 FM. C'est une toute nouvelle émission que vous n'avez jamais pu entendre auparavant, puisque nous allons parler d'artistes alternatifs. Nous allons chaque semaine, ou chaque fois, tous les deux semaines, pouvoir décrire un nouvel artiste. Et là, nous allons parler de Soviet Supreme. Alors, qu'est-ce que c'est Soviet Supreme? C'est l'ami Toon qui va nous en parler. D'ailleurs, il est chaud comme la braise. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Soviet Supreme, c'est quoi? Soviet Supreme, c'est l'histoire de la fusion olfactive entre deux récidivistes de la scène alternativo, tsigano, anaro, poético, parigo, française. C'est ça que Soviet bourrin, les Supreme, gars. C'est qui? C'est d'un côté Erwan, le cracheur de textes alcoolisé du célèbre groupe Java. Et de l'autre côté, le multi-instrumentiste et big boss de la caravane passe, j'ai nommé Thomas Fetterman. Un jour, les deux gaillards se sont retrouvés dans la caravane de Thomas pour se flairer comme deux chatons chaleur le temps d'un featuring avec DJ Tagada. Un plan à trois qui a tourné au vinaigre. À force de se renifler, Erwan et Thomas Fetterman ont fini par se reproduire et ont créé un beau bébé, le fameux Soviet Supreme. Pour garder cette union secrète, les deux gaillards décident de changer de nom. On les appellera désormais Sylvester Stallone et John Lennon. Ils seront accompagnés par un certain DJ Khrouchtchev. Soviet Supreme, c'est un vrai bordel qui nous fait revivre le goulag façon moderne. Ça donne une sorte de russo, tsigano, bolcho, balkanico, rom, avec une touche dance et hip-hop. Maintenant qu'on sait un petit peu ce qui se passe, qui sont les gaillards, on va peut-être s'écouter un petit morceau de leurs précédents travaux. On va commencer avec la caravane passe et la chanson T'as la touche manouche. Ciao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, alterno, reconverti, guitare héros, soulageur de démangeaisons guitaristiques, astiqueur de manches, pompeur de rythmique. On dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse, y'a pas un radar qui peut te flasher l'index. Doubleur de croche, tricoteur, névrotique, joyeux jazzeux, on voyage sur le riff. On rêve de bohème, de route, de Romain Michel, mais en fait on s'appelle Romain Michel. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Le clic de la mélodie, de la métronome rythmique. Pendant que t'essaies de bouger tous tes gros doigts engourdis par le froid, le désir, la branlette et la pluie. Si tu n'as pas les mains dans tes poches, ni dans ton dos, tu n'es pas un carac, ni un métal, le métallo. Le feu qui crépite et qui brûle comme un chameau. Le feu qui a tout cramé dans la caravane Django. On rêve de bohème, de route, de romanichem, mais en fait on s'appelle Romain Michel. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Si on voit ta cartouche. Je me suis réveillé, ma moustache avait poussé. Après m'être cramé deux doigts pour mieux jouer, j'ai décidé d'abandonner. Depuis, je fais des gammes au plumard, j'astique mon manche en manouche et air guitare. Et je pense au palace et à ses bombasses, au hot club de français, aux caravanes qui passent. On a beau se la jouer comme Papi Django, mais la copie du génie, c'est souvent pas Jojo. Ouais. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Oui, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. T'as la touche manouche, t'as la touche manouche, t'as la touche manouche. Soviet Supreme, c'est effectivement la caravane passe, Thomas qui en fait partie, mais c'est également Erwan, et vous connaissez Java aussi bien que moi, avec sexe, accordéon et alcool, mais je vous la fais réécouter juste pour le plaisir. Et moi je veux pas vous dire que c'est pas de la mentale. Qui pilla va tirer l'arigot, donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego. J'approche du cosmos cyclique, bientôt le trou noir, le space colique, l'extraterrestre des comptoirs. Mais le compte à rebours, chronomètre les pulsions du jour. En vitesse en moyenne, je nage le gros lambour. Et la brasserie, latitude 1664, coulée en apnée, ça y est, c'est parti. Rampe de lancement, réacteur, transmutation, j'ai perdu connaissance, normal, c'est la pression. J'ai l'inspi qui se fait ski, qui me traîne comme un whisky. Je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski. Et je dis, bah les masques, voile ma finasse. Si t'en as marre d'être vivant, fais un virement de vin dans le vent de vomi. Luke Sky, un Johnny Walker, nous nous embourbons. Faut colmater le foire à fond. Y'a une fuite dans la vessie spatiale de la NASA. J'ai la nausée, trop de kryptonique, hey, de gin tonic, hey, éjecté du cockpit. Exit direct, et mon beat va te mettre en orbite. La bière de Mars attaque martien, un petit verre. Champagne, Dark Val, Star, sabre au laser. Le Boulawan, Kenobi, passe en cyber, se passe sur CD-ROM. Pulvérise l'atmosphère comme Arletty. Boom, zoom, trop plan sur le clown. Un dernier alcool de poire et je tombe dans les pommes. Boom, le lendemain je me réveille la tête entre les jambes. Je rentrais du cosmos mais j'ai gardé le scaphandre. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété. Java, c'est pas de la mentalo. Java, c'est du rock'n'roll. Java, c'est le vrai son parigo. La devise, sexe, accordéon et alcool. Java, c'est pas de la mentalo. Java, c'est du rock'n'roll. Java, c'est le vrai son parigo. La devise, sexe, accordéon et alcool. C'est pas de la mentalo. C'est pas de la mentalo. C'est pas de la mentalo. C'est pas de la mentalo. C'est pas de la mentalo. Je suis un fossile antique de l'âge néotilique. Un rescapé du bal musette sur internet. Bok à l'inter, culti Star Trek. Astéroïde, bulgur rejoint, camouflage, soufflette. J'enfoule le boulot, autant que du boulot. J'suis pas un cadeau, le club chômage, mon bureau, ma vie, mes locaux. Coco, j'ai pourtant eu tous mes diplômes à la fac. J'suis bac, plus 5 et licence 4. Un grand sportif, garçon, un ballon. Sors le carton de rouge, me mets pas sur la touche, absorbe comme un tampon. Serre à la louche sur la tourtelle, j'ai fait le grand pont. Tu peux toujours me décrocher du comptoir, sors mes crampons. Un vétéran hors jeu, sorti des vestiaires. Entre l'anneau de Saturne et la planète Jupiter. On barre le pénalty, tout le monde part de mon transfert. Au Bayern de Munich pour la fête de la bière. Alerte rouge, un connard a perdu le contrôle. Ce qui est devenu vert à pied pour le nez vert. Donne-moi le contrôle, anti-dopage, je suis bon pour la touche. Menton, ta colémie a crevé le ballon d'un souche. La partie finie, Dieu a cassé ses airs pour un zéro. J'ai la barre transversale qui est plantée dans mon cerveau. J'ai mis un pied sur la lune, je me réveille mal luné. Petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'ébriété. Java, c'est pas de la mentalo. Java, c'est du rock'n'roll. Java, c'est le vrai son barigo. La devise, sexe, accordéon et alcool. Java, c'est pas de la mentalo. Java, c'est du rock'n'roll. Java, c'est le vrai son barigo. La devise, sexe, accordéon et alcool. J'arrose tout le monde, ça finit toujours en dessous de table. Vote pour mon estomac en ballotage favorable. Je fais du mal aux colons, le conquistador du terroir. Partout où je passe, s'établit un comptoir. De l'or du poireau, je veux que mon nez soit décoré. Commentaire au panthéon et je servirai de pilier-né. Sous le signe du Verseau, j'étais pourtant bien parti. Mais tous mes atouts sont tombés à l'oubli. Fallait bien que je me démerde pour vous soutirer du blé. J'écris cette chanson après une étude de marché. Je la dédicace à tous les alcooliques. C'est sûr qu'on m'en franche où je serai à l'arche publique. La belle découverte, 18h-18h30. Et nous sommes de retour dans La Belle Découverte. Alors effectivement, on vient d'écouter un petit peu de Java et un petit peu de la Caravane Pass. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est les deux chanteurs qui sont les protagonistes de Soviet Supreme. Soviet Supreme, on en parle depuis tout à l'heure, on n'a pas encore eu l'occasion de vous faire écouter. Juste quelques infos avant que vous découvriez ça avec nous. Soviet Supreme, c'est donc un album qui vient de sortir. Très officiellement, il est sorti le 22 septembre 2014. C'est tout sec, c'est tout chaud, c'est tout bon. C'est sorti sous le label Chapter 2 et l'album s'appelle L'International. internationale. Alors, juste avant, j'aimerais bien avoir vos avis, messieurs. Vous qui aviez vu à la Rof Festival le 13 septembre le Soviet Suprême en live, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense d'ailleurs à toi, toi qui étais avec moi devant la scène, t'avais bien kiffé, non? Franchement, c'est super évolutif. À la fin, ils nous ont foutu un bordel de fou. Alors voilà, il y a Thomas Fetterman, il joue tous les instruments et il va dans le public, c'est super. Et puis, bah, bien sûr, il y a Erwan qui est quand même un mec. Il y a tout cet univers autour de l'URSS, j'ai envie de dire, mais voilà, un peu russe qui est sympa. Moi, ça me fait penser à un groupe de chez nous qui s'appelle Flying Orchestra, qui a tout écrit un délire autour de la Boukravie. Eux, ils sont vraiment dans un délire. On fait revivre la Russie, mais façon totalement délirante, façon vodka, vraiment, on est pas mal là-dessus. Et c'est assez atypique, il n'y a pas de style qui pourrait vraiment être comparé. C'est un nouveau délire qui passe bien, quoi. Eh ben justement, tu parlais du Flying Orchestra, c'est assez marrant parce que eux se sont créés la Boukravie. Évidemment, le Soviet suprême n'a pas inventé l'URSS, hein, comme dirait l'autre. Mais j'ai posé la question pourquoi avoir pris ce délire communiste soviétique à Thomas de Soviet suprême. Et voilà ce qu'il nous a répondu. D'après moi, vous êtes premier groupe Ruskov de hip-hop français. Est-ce que je me trompe? Respect pour Sefiu. Ah ouais, Sefiu Molotov, voilà, c'est un peu son blaze aussi. Sefiu, il a quand même surfé sur la vague avant nous. J'avoue. Pour ce qui est vraiment du hip-hop pur et dur. Pour partir du coup sur le côté musical, comme vous êtes une base de hip-hop, enfin je décris ça comme ça, et que vous avez pas mal de sonorités balkaniques, est-ce que le côté balkanique, c'est ça qui vous a donné envie de faire un truc très coco, très communiste, très soviet? C'est le côté musical ou c'était vraiment un délire à la base? J'avais un projet à côté en clubbing vraiment pur et dur avec DJ Tagada. D'accord. Où je faisais MC sur des soirées balkaniques. D'accord. Et j'ai invité Erwan à venir toaster avec moi sur une soirée. Ouais. Et Erwan, il a trippé, il connaissait pas en fait les soirées balkaniques. D'accord. Tout ça. Okay. Il a trippé avec DJ Tagada, tout ça. Et le lendemain, il m'appelle, il dit vas-y, en fait, faut qu'on le fasse ce projet. D'accord. C'est mortel, on le fait comme ça à côté de nos projets, mais on le fait. Mmh. Et on a commencé à le faire pour rigoler, tout ça. Il est venu chez moi, je lui ai mis quelques sons, j'ai fait quelques compos, des trucs. Il est venu, on avait un micro entre nous deux, on s'est passé un peu le micro, on a cherché des trucs. Ah, vous avez testé quoi. Voilà, on a fait des petites maquettes, des trucs. Et très vite, en fait, on a fait écouter un peu aux copains, tout ça, le truc de bouche en oreille. En fait, ça a grossi. Et d'accord. Le truc nous a dépassé, là, on sort un disque le 22 septembre. Et nous sommes de retour dans la belle découverte. Ça fait deux fois que je le dis, mais c'est parce que c'est vrai. Et juste, on a bien compris les influences, les délires de tout ça, mais on n'a toujours pas écouté Soviet Suprême. C'est l'heure de se mettre à l'heure de la page. Je vous ai fait saliver suffisamment longtemps. Écoutons Rideau de fer de Soviet Suprême. Allez bien camarade, on retournera. Donne-moi la collade, on va fêter avec panache la grande dégringolade. Quand tombe le rideau sous nos yeux de clown triste et que les braves gens nous snob et nous donnent du salut l'artiste. On s'accroche au radeau pour le dernier tour de piste. Et derrière le comptoir on se noie dans le cynisme, hurlant le seul slogan auquel on continue de croire et qui se résume en deux mots. À boire. Ta chanson imagine, cesse de te cogner sur ce vieux mur des Cathy. Tes utopies finissent en droit d'auteur pour Paul McCarthy. Tu sens comme un grand vide, leur monde vibre et rincé. Viens noyer tes rides dans la vodka bien glacée. Laisse les parader avec leur tête de vainqueur. C'est nous les héros, les magnifiques losers. Mon âme est tombée. au bas des bas de la barmer. Allez, serre-moi le shot, encore un dernier, le petit coup du coyote qui me rend polygote. Yabba la balabdalaya, la la la balabdalaya, la la la balabdalaya, la la la. Tire le rideau de fer et remplis mon verre. Yabba la balabdalaya, la la la balabdalaya, la la la balabdalaya, la la la. À moi. Découverte 18h-18h30. Ça fait vachement des rythmes un petit peu tzigane et tout ça. Je dis pas que ça me fait penser à du émir Costa Rica, mais bon, c'est vachement plus axé sur l'est, comme disait Tommy tout à l'heure, un petit peu pour les flying. Et là, ça change un petit peu carrément. Après, les paroles. Il faut avoir vu en live, parce qu'en live ils jouent vraiment le jeu à fond du Soviet suprême, donc ils sont tous dans la culture vraiment soviétique avec tous les clichés qu'on peut y trouver. Et donc voilà, c'est joué vraiment à fond sur les sonorités un petit peu balkaniques, sur tout ce qui est musique on va dire russophone, je sais pas si ça se dit. Voilà, c'est vraiment tout ce côté là qui est mis en avant. D'ailleurs sur l'album de manière générale en entier, vraiment on retrouve tout ça. Donc c'est tout un univers qui est créé. Et c'est vrai que c'est vraiment différent de Java et de la caravane basse. Java, en fait, ça faisait penser un peu au poétique, comment dire, au mec qui fait de la poésie et qui vit à Paris un peu comme ça. Ouais, mais au mec qui quand même fait plaisir parce qu'il a le sens du mot, mais on sentait vraiment le côté parisien. Là, du coup, c'est le même mec qui chante, mais il est dans un univers qu'il a créé. Bah voilà, là, c'est autre chose. On sent que le mec, il a créé l'univers de Sylvester Staline et de John Lennon, donc toujours sur le ton de l'humour, mais voilà. Il y a toujours cette touche drôle qui est toujours présente, et c'est bien qu'il l'ait gardé et qu'il soit pas parti comme certains groupes dans un truc totalement à part et où on se fait chier des fois. Et là, ouais, franchement, ils ont quand même gardé, ils ont bien évolué, je trouve. Ils ont joué le jeu à fond. Ouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le tubiste qui est aussi violoniste. C'est assez marrant de jouer deux instruments qui sont aussi opposés, j'ai l'impression. C'est pas les mêmes trous, enfin, c'est pas les mêmes. Ah non, ça je confirme. Ah non, effectivement, ah ouais, là. Ouais, il est fort de ses doigts et de sa bouche. D'ailleurs, on leur a posé la question à Soviet Suprême de savoir comment c'est. Est-ce que c'était voulu de jouer le jeu à fond ou est-ce que c'était difficile à porter? Est-ce que c'était parfois un fardeau? Voilà ce qu'ils nous ont répondu. Je voulais poser une question limite politique. Alors, tu m'envoies chier si tu veux, mais l'histoire communiste, c'est pas toujours facile. Ouais. Vous le prenez dans le sens du délire. Est-ce qu'il y a une petite visée. Rappelez-vous de ça quand même quand vous chantez, ou c'est pas du tout le but? Alors je dirais qu'il y a trois choses. Ouais. D'abord, dans le Soviet suprême, le communisme et le soviétisme, c'est une figure de style. D'accord. C'est-à-dire qu'on, ce qu'on aime, c'est le côté fort, empire, toute l'imagerie qui va avec, etc. Côté fort en gueule, quoi. Et voilà, et je dirais qu'on est au soviétisme, ce que le Wu-Tang et à la culture Shaolin, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Le Wu-Tang, voilà, c'est des blacks new-yorkais qu'on compris comme figure de style, la culture Shaolin chinoise, d'arts martiaux, etc. Voilà. D'accord. Nous, à la base, on prend tout comme ça, ou même, je dirais, pour aller plus loin, comme Johnny Hallyday, qui a quand même un nom américain, qui fait de la musique américaine. Mais qui est français. Qui est français, ouais. Jean-Philippe Smet représente, quoi. Voilà, donc, enfin, franco-belge, quoi. c'est clair. Donc nous de base, en gros, on a la même démarche. D'accord. Ça c'est le premier aspect. Après, le deuxième aspect, dans notre musique, c'est ça. Le deuxième aspect, c'est que moi personnellement, pour parler de moi, moi ma famille est vraiment originaire d'Europe centrale. C'est vraiment des communistes, quoi. Utopistes, humanistes. Tu vois, mes grands-parents, c'est des espèces d'humanistes. C'est vraiment Karl Marx dans l'idée, quoi. C'est, ouais, vraiment une espèce. C'est sans déroger, quoi. C'est des gens bons, tu vois, qui se sont toujours fait un peu bouffer la gueule par le patronat et tout. Enfin, je suis vraiment issu d'une famille prolo. Tout ça, donc moi à côté de ça, c'est un truc du coup que j'aime bien aussi. En revanche, dans le projet du Soviet, c'est un truc qu'on fait pas transparaître. Nous on le fait vraiment comme une figure de style et tout. Et après, il y a aussi l'aspect provocateur, c'est-à-dire que quand on a fait le truc, nous en réalité, moi je suis plus proche des musiques des Balkans et d'Europe centrale que de la musique russe à proprement dit, mais c'est vrai qu'on cherchait une espèce de truc fédérateur pour fédérer tous ces courants qu'on ménage dans le projet. Et Erwan, il a eu cette idée, mais vas-y, en fait. Plutôt que faire un truc world un peu faut le pousser à attaquer. Ouais, un truc court, autant faire un truc vraiment coup de poing. C'est hyper provo, ça nous plaît, il y a toute une imagerie qui va avec, tout ça. Donc okay. voilà en gros les trois aspects du nom okay. et de ce que ça représente pour nous. Et quand vous foutez les gens au goulag sur scène, ça, y a pas vraiment une idée derrière de montrer que ça se passait comme ça ? C'est vraiment juste pour c'est la drôle, déconne, quoi. Bah, c'est drôle. Après, bon, forcément, les gens d'origine russe dont les familles ont été au goulag, ça les fera pas rigoler, ah ouais. c'est normal. Enfin, à part s'ils ont vraiment beaucoup d'humour, mais évidemment. Ça permet de se souvenir, quoi. Je vais te dire, j'étais dans le public, j'ai entendu des gens dire, c'est quoi le goulag ? Ah oui, c'était pas les endroits où ils envoyaient les gens qui suivaient pas la doctrine soviétique à la base. Si, c'est ça. C'est ça, les donc, goulags, ça permet... c'était les camps de travail. Voilà, et donc ça permet peut-être, sans que vous en rendiez compte, mais sur du public, de se rappeler un peu de ça en fait. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est vrai que nous, Erwan comme moi, on est tous les deux de cultures assez différentes et on vient de milieux assez différents tous les deux, vraiment complètement différents, mais en même temps avec une grosse racine commune. Mais tous les deux, on a un côté un peu culture, enfin sans se faire mousser, hein, tout ça. Mm-hmm. Et pour nous, c'est évident, le goulag, le Soviet suprême, tout ça, ce que c'est. Mais t'as raison, ouais, c'est vrai que pour plein de gens, en fait, il y a des gens, on leur dit Soviet suprême, ils disent ah ouais, c'est comme Suprême NTM, tout ça. Ah ouais, carrément. Il y avait la caravane passe avant pour toi, il y avait Erwan qui était toujours. Dans Java, toujours. Ouais. C'est cool. Donc, toi, c'était, si on veut vulgariser un peu, musique un peu de cigane, mais avec ce beat qui pulse, on va dire, derrière. Ouais. Ce qu'on retrouvait aussi chez Java, le beat qui envoie un peu la patate sur de la musique un peu titi parisienne, mais là ouais. où les textes sont très présents. Du coup, là, vous partez sur un truc balkanique, mais j'ai entendu que dans l'album, vous avez une chanson très franco-française. Tu sais, c'est French Romance. Ouais, c'est la world music vue par l'œil de l'Ouest qui a gagné. Mais si on ouais. reste dans le truc de la guerre froide et qu'on se dit qu'est-ce que ce serait la world music vue par l'Est, ce serait l'international, tu vois. Et là, ouais. du coup, à partir de là, le disque, il a été pensé comme ça. À savoir, on a des morceaux très soviétiques et puis d'un coup, on part finalement dans tous ces pays dont font partie la France, parce que la France c'était quand même un pays vraiment à cheval entre les deux, et on peut se faire un morceau fête de l'Huma, French Romance, tout ça. Tu viens de me lancer sur ma dernière question, c'est assez fabuleux, c'est la fête de l'Huma ce soir. Si vous deviez jouer à la fête de l'Huma, comment vous feriez ? Est-ce que vous le joueriez toujours pareil, à Bien fond, sûr. Alors, dans la rigolade ou Alors, on a fait la fête de l'Huma de Bordeaux cette année, déjà. D'accord. C'est pas que la fête de l'Huma de Paris, il y a plusieurs fêtes okay. de l'Huma. Moi, comme je te l'ai dit, et là pour le coup, bon, Erwan, c'est un mec hyper sensible, et moi aussi, tu vois, on est des gens sensibles. Mmh. Moi, comme je t'ai dit, ma famille, c'est vraiment des vieux communistes croyants, tu vois, c'est de l'ordre ouais. de la croyance, quoi. Ouais, je vois le genre. Et quand on était à Bordeaux, vraiment, où ça n'a rien à voir avec la fête du mat de Paris, c'est vraiment à la bonne franquette, c'est un truc très intime ouais. et tout. On a senti un truc hyper fort, au contraire. Ah ouais. Tu vois, un truc, il était porté et tout. Et les communistes, contrairement à ce qu'on croit, la plupart, c'est des gens qui ont énormément d'humour. Ah oui, oui, je sais. Et c'est pas un souci de faire, de faire cette musique-là avec humour, comme on le fait. Mmh. Moi, mes oncles, mes grands-parents, enfin, j'ai plus de grands-parents vivants, malheureusement, mais mes oncles, mes parents, mes cousins éloignés, tout ça, ils kiffent le Soviet suprême, mais c'est des communistes. Ah ouais, d'accord. Ils le font tourner sur les blocs soviétiques et tout. L'un n'empêche ah ouais. pas l'autre, en gros. D'accord. C'est pas parce qu'on est communiste qu'on est con et borné, qu'on n'a ah, pas d'humour. Bien sûr. En gros. Et effectivement, pour parler de la fête de l'Huma, ce soir c'est la fête de l'Huma, demain aussi, on a prévu de finir notre tournée sur la grande scène de la fête de l'Huma. Ils ne le un savent beau peut-être pas encore, on dit dans toutes les interviews, et on finira notre tournée sur la grande scène de la fête de l'Huma. Ta tantine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites que la tantine se tire avec tes tétards, un tantinette et tu voudrais savoir. Tu veux la tête, la terre, la toaster en tutu, la retourner lui faire tâter du tatami. T'es triste, tu voudrais têter la tétine comme un toutou. Tout va sauter dans ta tête, t'es tout ratatiné. Et le temps te tasse, alors tu tises et tu tâtes. Et t'étais d'autres tantines, mais la chair est triste. Et le temps fait tic-tac. Et personne ne toque, tu craques depuis qu'elle a pris. C'est cliqué, c'est claque. Et le temps fait tic-tac. Personne ne rattrape, le doute rentre dans ta tête. Et tu tombes dans la trappe. Tu t'éteignais son palpitant, quelle était ta tirade? attirée par ton statut de matamor aimanté. Elle était tout à toi et se targuait d'être ton tatou. Mais tu l'as traitée comme une traînée quand tu l'as tapée. Alors va pas t'étonner si elle s'est étirée. C'est toi qui l'attends pour retourner comme une tartata. T'es quel crétin, tu l'as bien mérité, tu t'es mal comporté. Et le retour du bâton que tu te prends dans la tête n'est que le total de ton comportement. Dans tes têtes, tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été un malotru. Tu fais le tech, elle le toutou pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa tête la tartine, testostérone et de titan trépané, tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la mère prendre comme t'as dit. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. La belle découverte, 18h-18h30. Alors j'ai cru comprendre qu'on avait pas mal de sur cette chanson hein, qui s'appelle, je vais essayer de le dire sans bêtises, Rongrakatikatong. Eh oui, c'est pas facile à dire. Il y a pas mal de similitudes que vous avez retrouvées, par exemple avec Gainsbourg ou avec Boris Vian. J'ai pas bien compris, Gauthier, faudrait que tu m'expliques là. Ouais, je sais pas si tu vois un petit peu Boris Vian ou Gainsbourg. Genre Gainsbourg, il a fait L-A, non L-A, T-I-T-I-A. Et c'est vachement déstructuré un petit peu comme Zik dans les paroles. Ouais. Et donc c'est exactement la même rythmique. D'accord. Après, je vais pas te faire Gainsbourg parce que j'ai pas du tout Gainsbourg. Non, j'ai pas la foi falloir... vous écouter tous. Il va falloir que tu fumes un sacré paquet de gauloises, à mon c'est avis. C'est ça. Et pour contre, Boris Vian, pourquoi? Ah, tu penses à Taï, ta Cathy, t'as quitté. Oui, un bah truc comme ça. Ouais, un voilà, truc comme ça. Ah, t'as quitté. Ils ont aussi piqué à ça. Oui, je pense. En fait, ils ont aucune personnalité, ces mecs, quoi. Ils piquent tout, quoi. C'est bon, quoi. Non, mais les influences sont ultra multiples chez Soviet Supreme. Et c'était rigolo. D'ailleurs, ils nous parlaient tout à l'heure des influences qui étaient toujours vues par l'œil un petit peu. De l'Ouest dans le monde, l'Ouest qui serait les États-Unis effectivement. C'est vrai que si jamais ça avait été les Russes qui avaient gagné la guerre froide, on aurait une sorte de musique assez différente. Et Rihanna en russe, ça doit être assez amusant quand même. Ah merde, parce que je connais pas de musique de Rihanna, alors je peux pas. Par contre, toi, en niveau russe, niveau russe tu connais un artiste que tu devrais nous conseiller aussi. Ah, tu parles de Everyday I'm Drinking. Yes. Alors, c'est marrant parce que ça fait tellement longtemps que je les ai pas écoutés que je me souviens même plus de leur nom. C'est Little Big. Little Big. Ouais, c'est vachement chouette. En fait, c'est un groupe qui a eu quelques soucis en Russie, si je ne me trompe pas. Ça m'étonne. Des grandes gueules. Voilà, ils ont fait un peu de mal, un peu de mal au gouvernement en disant vraiment ce qu'ils pensaient et en traitant la Russie de bitch en anglais. Ok. Voilà, et donc voilà, ils ont eu quelques soucis avec ça, mais après leur musique est vraiment chouette et c'est vraiment des Russes. Et donc, c'est vraiment des Russes quoi. Bon, allez, pour en revenir à Soviet Supreme, on va s'écouter un dernier morceau. Je quitte le pit à coups de marteau, caché sous le manteau, ma fossile que les mots, prête à tracer, puis trancher le rideau, le fer, scalper le capital des ondes radio. Je te pète le son complète, Soviet, d'un pouvoir sans tête, l'internet, si on a les sans queue ni tête, alors j'affrète du fond de la steppe, des rimes des têtes. Le CD décédé nous a soudés. Pour déterrer les fantômes du PC, mon flow colle pose, colle à la cause et dépose une rose sur la tombe de leur prose. Je te bouffe la soupe de l'austérité, je crache mon bord sur le poste télé, je tape dans le rouge, la voix scarifiée, j'ai la gorge rouge, la rime irradiée. Un lever de rideau rouge, le limiteur giron rouge, balance sur tout ce qui bouge. Je sers, je sens la toile rouge, comme un boulet rouge, je vois rouge, transpire le pont rouge, les yeux rouges, tâche comme du rouge, faut que ça bouge. J'appuie sur le bouton rouge. Thank you. Et c'est maintenant la fin de cette émission. Effectivement, il est 18h30 et on va laisser la place à Aurélie pour Sous toutes les cultures. Quant à moi, je vous retrouve dans le menu étudiant à 19h30. La semaine prochaine, nous, on discutera de Guts, un artiste parisien très, très anglophone mais très talentueux. On vous expliquera ça la semaine prochaine. En tout cas, vous pouvez retrouver toute l'émission sur le podcast. Ciao, bonsoir. Ciao, Nancy. On se pète la tchave avec le Soviet suprême. Bisous.